Le rideau suspendu dans le temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. L'officier romain qui se tenait en face de Jésus vit comment il était mort après avoir crié, et il dit: Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Quelques femmes étaient aussi là et regardaient de loin. Parmi elles, il y avait Marie de la ville de Magdala, Marie, la mère de Jacques le jeune, et de Jose, et Salomé. Elles avaient suivi Jésus quand il était en Galilée et l'avaient servi. Il y avait aussi là de nombreuses autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Le soir était déjà là, et comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le jour avant le sabbat, Joseph de la ville d'Arimathée arriva. C'était un membre respecté du conseil supérieur, et il espérait lui aussi la venue du royaume de Dieu. Courageusement, il alla chez Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Mais Pilate fut étonné d'apprendre qu'il était déjà mort. Il fit donc appeler l'officier et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Après avoir reçu la réponse de l'officier, il permit à Joseph d'avoir le corps. Joseph acheta un drap de lin, il descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau qui avait été creusé dans le roc. Puis il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie la mère de Jose regardaient où on le mettait.